Bonjour à l'écoute du journal sans papier, le numéro 14 sur Radio Panique 105.4, Radio Air Libre 87.7 ou Radio Campus 107.2. Ce mardi soir, nous écoutons, comme mardi dernier et comme mardi prochain certainement, un entretien avec Bernard Clerc Failly, enregistré le 9 juillet 2007. Le bourgmestre de Scarbec est également membre du Front de défense des francophones, qui est une composante du MR. Bernard Clerc Failly est aussi député fédéral depuis peu, et il était jusque-là député régional depuis une quinzaine d'années. Avant d'écouter cet entretien, quelques sons de la marche qui s'est effectuée samedi dernier, samedi 9 février, du 91 rue Royale, où se poursuit la grève de la faim de 150 personnes, jusqu'à l'Office des étrangers, nous étions 400, selon la RTBF. Solidarité avec les sans-papiers ! Solidarité avec les sans-papiers ! Avec les sans-papiers ! Ce gouvernement, et plus particulièrement les partis qui se disent progressistes, qui ont fait des tas de promesses sans papier, exige une régularisation massive. Mais ça fait déjà des années qu'on attend. Et ce que j'aimerais bien dire, c'est que, quoi qu'il fasse, nous, on va continuer à rester mobilisés. On va continuer à leur rappeler que c'est pas normal qu'il y ait des gens qui n'aient pas les mêmes droits. C'est pas normal qu'on traîne 150 000 personnes dans l'esclavage. Oui. Et je vous appelle à rejoindre la semaine prochaine une mobilisation des sans-papiers qui se déroule à 14h sur les marches de la Bourse, et de rester mobilisés pour ce combat, pour la régularisation de tous les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. C'est un combat qui ne se limite pas aux 150 personnes qui sont ici. Vous avez ici des gens de toutes nationalités qui représentent toutes les catégories de sans-papiers, qui représentent aussi toute la lutte, tout le combat qu'ont mené ces personnes depuis des années et qui n'ont toujours pas été entendues et qui en arrivent à se donner la mort pour pouvoir se faire entendre. Voilà, donc on va bientôt démarrer. On va bientôt démarrer, donc j'ai peut-être demandé aux gens de déjà prendre une chaise et qu'on puisse démarrer. Merci. 30 jours que le gouvernement fait la sourde oreille et refuse de les régulariser. Et on est tous ici pour leur exprimer notre solidarité. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. C'est la loi qu'il faut changer. C'est pas les quelques sons de la marche de samedi dernier, samedi 9 février, du 91 rue Royale jusqu'à l'Office des étrangers, chaises en main, 150 chaises en main. Pourquoi 150 chaises ? Eh bien, pour symboliser les 150 grévistes de la faim qui continuent leur grève et leur occupation au 91 rue Royale dans un bâtiment de la communauté française. Nous étions

Serre-là, on n'a pas encore raison. Aujourd'hui, moi, je suis au pouvoir à Scarbec, donc aujourd'hui, j'ai la majorité, c'est confortable. Mais j'ai été dans l'opposition, je sais que c'était ralent. Et à l'époque, c'était pour des bonnes choses, c'était pour lutter contre Knowles et sa politique. Et je pensais que j'avais raison, et je voulais faire les choses comme je le voulais. Mais je n'avais pas encore la légitimité pour le faire, parce qu'il a fallu que je construise une majorité pour le faire. Il en va de même pour le débat sur l'accueil des sans-papiers. C'est un débat politique qui doit se faire dans la sphère politique, dans le respect des règles démocratiques, et sans se faire justice tout seul. Et ça, je crois que c'est fondateur de notre société. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, c'était un entretien avec le bourgmestre de Scarbec, Bernard Clerfailly, enregistré le 9 juillet 2007. Bernard Clerfailly, membre du Front de défense des francophones, qui est une composante du MR, il est également député fédéral depuis peu, et il était député régional depuis une quinzaine d'années auparavant. Vous avez pu entendre également dans cette émission quelques sons de la marche qui a été effectuée samedi dernier, samedi 9 février, du 91 Royal jusqu'à l'Office des étrangers, chaises en main, 150 chaises qui symbolisaient les 150 grévistes qui continuent leur grève de la faim au 91 Royal. Nous étions 400 personnes. Cette grève de la faim et cette occupation du bâtiment de la communauté française du 91 Royal a grand besoin de votre soutien. Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre mercredi demain à 18h Place des Libertés pour un cercle du silence. Le cercle du silence, on se retrouve Place des Libertés à 18h, on se donne la main et on se tait. On se tait et on n'est pas les seuls puisque 11 villes en Belgique ont depuis un petit mois pris l'habitude de se retrouver tous les mercredis pour organiser ces cercles du silence. Et ces cercles du silence vont converger certainement le 17 mars à Bruxelles. Pour en savoir plus sur ces cercles du silence et sur les différentes façons dont vous pouvez soutenir les 150 grévistes de la faim du 91 rue Royale, rendez-vous sur le site de l'UDEP Bruxelles à l'adresse sans-papiers au pluriel tout attaché .skynetblog tout attaché également au pluriel .be sans-papiers.skynetblog.be tout au pluriel. Voilà, c'est tout pour ce numéro 14 du journal Sans Papier. On se retrouve mardi prochain à la même heure. Tout de suite, Radio Pinzani. Papier pour tous.